السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. عفوا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا وبياكم. Nous sommes toujours dans l'aqid al-wasitiya. Nous sommes toujours dans les 12 grands événements, 12 grands événements qui auront lieu le jour de la résurrection. Et on s'était arrêté au 9e événement. Le 8e d'abord, le 8e c'était le bassin du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La vasque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le 9e événement, très important, c'était quoi? Sirat. Comment les gens allaient traverser ce pont. Le pont Naam. Ensuite, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est le 10e événement, c'est-à-dire en ce qui concerne la rentrée du paradis. Et peut-être, Inch'Allah Ta'ala, on va ajouter aussi le 11e événement, qui est l'intercession. Qui est l'intercession. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah, dit, il a dit dans le matn, « وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Il a dit le premier naam, qui va demander à ce qu'on lui ouvre le paradis, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Avant cela, j'ai oublié de dire que nous sommes samedi 27 Muharram 1430 de l'Hijr, c'est-à-dire le 24 janvier 2009. Nous sommes, inshallah ta'ala, au deuxième tome, le 30e cours. Donc, Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah a dit وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. Le premier qui frappera à la porte, c'est-à-dire demandera l'autorisation au paradis, c'est le messager d'Allah Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Il a dit, quand Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah a dit, le premier qui demandera à ce qu'on lui ouvre la porte du paradis sera Muhammad عليه الصلاة والسلام. Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah irhamu, a dit, et son dalil, quel est le dalil de cette chose? Le hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Le hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, que le messager d'Allah alayhi wa sallam a dit, Ana awwalu shafi'un fil jannah. Il a dit, je suis le premier qui fera l'intercession dans le paradis. Wa fi lafd, dans une autre version, il a dit, Ana awwalu man yaqra'u bab al-jannah. Je suis le premier qui frappera la porte du paradis. Frappera, c'est-à-dire, naam, avec sa main pour demander l'autorisation. Wa fi lafd, dans une autre version, Ati bab al-jannati yawm al-qiyamah. Fa astaftih. Fa yaqulu al-khazin man anta. Dans une autre version, il a dit, j'irai à la porte du paradis le jour de la résurrection. Et je demande qu'on m'ouvre la porte. Alors le gardien demandera, qui es-tu? فَأَقُولُ مُحَمَّدْ. Je dirai Muhammad. فَيَقُولُ. Le gardien répondra, بِكَ أُمِرْتْ لَا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ مِنْ قَبْلِكْ. Il a dit, le gardien, qu'est-ce qu'il va répondre? Il a dit, justement, c'est à toi qu'on m'a ordonné d'ouvrir. Je n'ouvrirai à aucune personne avant toi. Je n'ouvrirai à aucune personne avant toi. Hadith rapporté par Muslim. Cheikh Al-Ahmou dit, وَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Il a dit ça, c'est une grâce, c'est une grande faveur d'Allah Azza wa Jal نعم propre au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il Vous vous rappelez qu'on a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fera la première intercession. Pourquoi? Juste pour que les gens soient jugés. Car les gens vont rester comme ça des années, des années, des années, des milliers d'années, et pas de jugement. Mais ensuite, vous connaissez tous le hadith, ils vont aller chez Adam, chez Noé, et comme ça, ils vont descendre, jusqu'à ce qu'ils aillent chez le messager d'Allah, il va demander à Allah Ta'ala, yani, de faire l'intercession. Pourquoi? Pour qu'il soit jugé. Donc, cette intercession sera quoi? Sera pour dissiper les chagrins et les malheurs. Car les gens sont dans de grands soucis ce jour-là. Ils sont en train d'attendre, quand est-ce que vient le jugement, quand est-ce que vient le jugement, le soleil qui descend, la sueur, la chaleur, etc. Donc, cette intercession que va faire le messager d'Allah dans les cours de la résurrection, ce sera juste pour dissiper les chagrins et les malheurs. Et la deuxième intercession dont on a parlé maintenant, c'est-à-dire qu'il ira, qu'il leur fera ouvrir la porte du paradis, cette intercession, c'est pourquoi? C'est pour attirer quoi? Attirer les joies, attirer les joies, attirer le bonheur, car on va rentrer dans le paradis maintenant. Donc, vous remarquez que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, fera deux grandes intercessions, fera beaucoup d'intercessions. Les deux grandes, c'est quoi? La première, c'est pour éloigner les chagrins, et les soucis des gens. Et la deuxième, en attirant les joies et, si je puis dire, les gaietés et le bonheur envers qui? Envers les gens, envers sa nation en particulier. C'est pour ça me rappelle le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Tawba, il a dit: Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Si vous voulez, vous le cherchez, il se trouve dans sourate Tawba. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je donne la traduction à peu près, il a dit que il vous est parvenu un messager d'entre vous. Il est d'entre vous pour que vous ne disiez pas, celui-là, d'où est-il venu? On ne le connaît pas. Peut-être c'est un menteur, peut-être. Celui-là, vous le connaissez très bien. Vous connaissez qui il est. Il est né entre vous, il a vécu avec vous. Tout le monde connaît sa véracité, sa sincérité. Le moyen. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a décrit avec deux attributs très, très, très importants. Il a dit, Azizun alayhi ma'anitum. Il a dit, tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous pèse lourd, il compatit avec vous. Il essaye de l'éloigner de vous. Il essaye d'éloigner de vous tout ce qui pèse sur vous. Tout ce qui est lourd, tout ce qui est chagrin, tout cela, il essaie de l'éloigner. Ensuite, il a dit, Harisun alaykum. Et le deuxième attribut, quelqu'un qui est soucieux d'approcher de vous tout ce qui vous apporte du bien. Ensuite, il a dit, Bil mu'minin ala ufun rahim. Et par rapport aux croyants, il est, comment on dit la compassion, c'est-à-dire qu'il compatit, et en même temps, il est miséricordieux. Donc, ce qui nous intéresse ici, vous savez que pourquoi nous on vit dans ce monde? Vous allez dire, on vit pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Non, ça c'est connu. Mais en vivant dans ce monde, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Toute notre vie tourne autour de deux choses. Quelles sont ces deux choses? Éloigner le mal, attirer le bien. Éloigner le mal, attirer le bien. Non. Et éloigner le mal, ça a été cité lorsqu'il a dit Azizun alayhi ma'anitum. Il a dit, il est soucieux, ça lui fait mal, ça pèse sur lui, lourd tout ce qui vous chagrine. Donc, il veut, alayhi sallam, éloigner de nous, les maux. Et ensuite, il a dit Harisun alaykum. Harisun alaykum, c'est il veut vous attirer tous les biens. Donc, regardez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a été envoyé. Et avec quoi il a été envoyé? Il a été envoyé avec une législation qui essaye de éloigner de nous tout mal, une législation qui essaye d'attirer vers nous tout bien, à condition quoi? à condition que le bien et le mal, ce ne soit pas toi ou la moi qui les définissons. Parce que toi, il est possible que tu dises cette chose est bien. Et Allah Ta'ala te dit non, justement, elle n'est pas bien. Si on revenait à notre raison, tout le monde dira l'alcool, c'est bien. Parce que l'alcool, ça te permet d'oublier tous ces soucis, tous tes soucis. Et ça te permet de devenir courageux. Et tu deviens quelqu'un, yani, qui voudrait donner de l'argent, qui voudrait donner. Pourquoi? Parce que tu es sous l'effet de l'alcool. Et pourtant, Allah Ta'ala dit que cet alcool, même si ça comportait du bien, n'était pas du bien. C'est du mal. Et le contraire, quand Allah Ta'ala, par exemple, parle du djihad, par exemple, il dit que, pour nous, que le djihad, c'est pas bien. Pourquoi? Parce que tu vas mourir. Tu vas laisser ta femme, tes enfants, tes parents, ta maison, ta voiture, ton argent et tu vas mourir. Alors que le djihad, quand il remplit les conditions, c'est la meilleure des choses pour nous. Ensuite, Cheikh Rahmo a dit ولا يدخل إلى الجنة ولا دخول إلى الجنة إلا بعد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن ذلك ثبت في السنة كما سبق. Il a dit, et il n'y a aucune rentrée au paradis. Il n'y a aucune entrée au paradis sauf si le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام fait l'intercession. C'est-à-dire, si le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام ne va pas demander aux gardiens du paradis d'ouvrir pour que les nations, que ce soit notre nation, que ce soit les autres, pour que les nations, pour que les croyants rentrent au paradis, personne ne pourra les faire entrer. Personne ne pourra les faire entrer. Même si celui qui va demander d'ouvrir la porte, même si c'est Adam, même si c'est Nuh, même si c'est Isa, alayhi salam, même si c'est Ibrahim, même si c'est Moussa, personne, le gardien, ne va lui ouvrir la porte. C'est dire quoi? C'est dire le grand statut et l'importance de qui? Du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, chez Allah, subhanahu azza wa jal. Et le dalil, quelle est la preuve que c'est le messager d'Allah, alayhi wa sallam, c'est lui seul à qui on va ouvrir le paradis. Le dalil, je viens de citer le hadith. Je viens de citer le hadith. Il a dit, je serai le premier à frapper à la porte du paradis. On me dira justement, c'est à toi qu'on doit ouvrir. On m'a ordonné, qui lui a ordonné? Allah Azza wa Jal a ordonné que je n'ouvre qu'à toi. Al-Muhim, ça c'est le dalil du hadith. Et quel est le dalil du Coran? Il y a sûrement un dalil du Coran qui montre que le messager d'Allah, c'est lui qui va ouvrir, à qui on va ouvrir le premier le paradis. Il a cité le verset où il est dit Hatta ida ja'uha futihat abwabuha. Et le deuxième verset Hatta ida ja'uha. Là, subhanahu wa ta'ala, dans sorte Zomor, il parlera des mécréants. Et il a dit que les mécréants, quand ils vont arriver devant Jahannam, devant l'enfer, il a dit, les portes vont s'ouvrir, les portes de l'enfer vont s'ouvrir, et on leur dira, est-ce que Allah ta'ala ne vous a pas envoyé de messager, etc., ou de verset, etc. Non. Donc, qu'est-ce qu'a dit Allah Ta'ala? Il a dit, Hatta ida ja'uha. Quand ils arrivent devant les portes de l'enfer, celles-ci vont s'ouvrir. Mais quand il a parlé du paradis, il a dit, quant à ceux qui craignent Allah Azzawajal, quand ils vont arriver devant les portes du paradis, il a dit, et on va ouvrir ces portes. Il n'a pas dit, ces portes vont s'ouvrir directement. Il a dit, et on va ouvrir ces portes. Les savants ont dit, quelle est la différence? Ils ont dit, quand Allah Ta'ala a parlé de l'enfer, il a dit que dès qu'il arrive, les portes vont s'ouvrir. Et quand il a parlé du paradis, il a dit, quand ils vont arriver, et on va leur ouvrir. Ce et qui est en arabe wa, wa futihat abwabuha, ce petit wa, cette petite lettre, a une grande importance. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il y a quelque chose de sous-entendu. C'est quoi cette chose de sous-entendu? Cette chose de sous-entendu, c'est. Et quand ceux qui craignent Allah Azzawajal vont arriver devant les portes du paradis, et, regardez le et, sous-entendu quoi? Et que le messager d'Allah fera l'intercession. Alors, les portes vont s'ouvrir. C'est pour ça qu'il a ajouté ce petit T, pour savoir que dans le Coran, il n'y a aucune lettre qui est quoi? Qui est en plus. Ni on ne peut soutirer du Coran, ou bien retirer, une seule lettre. On ne peut, si on soutire ou la retire une seule lettre, tout va changer. Ensuite, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans son matn, dans le matn, a dit: وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَمِ أُمَّتُهُ. Il a dit, et les premiers, ou le premier qui va rentrer au paradis, qui va rentrer au paradis, parmi les nations, c'est la nation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est dire quoi? C'est dire toujours le grand statut, le haut rang, très très très élevé, de notre messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tellement il est préféré chez Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui a permis à lui seul d'ouvrir le paradis, et qui lui a permis, naam, il a gratifié de quoi? Il lui a dit, c'est ta nation qui va rentrer la première au paradis. Subhanallah, imaginez sa nation en train de rentrer et les autres nations en train d'attendre, je ne sais pas combien de temps pour rentrer. Naam. Il a dit, le délil se trouve dans Sahih Muslim, An Abi Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Nahnu al-akhirun al-awwaluna yawm al-qiyamah. Nous sommes les derniers, c'est-à-dire la dernière nation. Il n'y a aucune nation à laquelle va venir un messager. Là, c'est terminé. Hein? Nous sommes les derniers, la dernière nation. Il a dit, al-awwaluna yawm al-qiyamah. Mais les premiers, le jour de la résurrection. Wa nahnu, c'est-à-dire les premiers d'abord à être jugés, il a dit, wa nahnu awwalu man yadkhulu al-jannah. Et on sera les premiers à rentrer au paradis. Dans un autre hadith authentique qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, le messager d'Allah a dit, nahnu al-akhirun as-sabiqun yawm al-qiyamah. Nous, les derniers, nous serons les derniers, nous sommes les derniers, mais nous serons les devanciers yawm al-qiyamah. Nous allons devancer tous les gens. Yom al-Qiyamah. Les dévancer en quoi? Dans le fait d'être jugé et dans le fait de rentrer au paradis. Tatimma. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah, a dit, pour compléter, il a dit un petit complément, أبواب الجنة لم يذكرها المؤلف لكنها معروفة أنها ثمانية. Il a dit, les portes du paradis, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, n'a pas cité combien elles sont, combien de portes il y en a. Mais, il a dit, c'est connu que le paradis a 8 portes. Que le paradis a 8 portes. Quel est le dalil? Le hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans Muslim, où le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a dit, il a dit, que celui qui fait des ablutions, qui mène ta wadda'a, quiconque fait les ablutions parfaitement, convenablement. Ensuite, tashahhad. Il a dit quand il termine le wudu, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit, illa futihat lahu abwabul jannati thamaniya. Il a dit, quiconque fait le wudu parfaitement, ensuite fait le tashahhud, les 8 portes du paradis vont lui ouvrir. On va lui ouvrir les 8 portes du paradis. Yadkhulu min ayyiha sha'. Il va rentrer de la porte qu'il veut. Ou bien min ayyatiha sha'. La mise en place ici le tas. Donc, le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que Allah, que les 8 portes du paradis vont s'ouvrir. Donc le paradis a combien de portes? A 8 portes. Cheikh dit, remarque ici, j'ai une petite remarque ici. Quand il a dit que quand il termine le wudu, il fait le tashahhud. Je fais la remarque, et je l'ai faite déjà quand j'ai expliqué la salat du messager d'Allah, alayhi wa sallam. J'ai expliqué que ce n'est pas de la sunna de lever le petit doigt. Certains et certaines, quand ils terminent le wudu, qu'est-ce qu'ils font? Ils lèvent le petit doigt, celui qui est à côté du pouce. Et ils disent, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Moi je dis, cette chose n'est pas de la sunna. Cette chose n'est pas de la sunna. Ça n'a rien à voir avec la sunna. La sunna, c'est que tu dis seulement avec ta bouche. C'est pas la peine de lever le doigt. Il a dit, Wa hadhihi al-abwab kanat thamaniyah bihasb al-a'mal. Il a dit, ces portes sont en nombre, les portes du paradis sont en nombre de 8, d'après quoi? D'après les œuvres. Et anna kulla babin lahu a'mal. Il a dit, parce que chaque porte a quoi? A des actions. Ou bien lahu a'mal, à des gens qui œuvrent, à des gens qui œuvrent. Il a dit, fa ahlu salat, yunadawna min babi salat. Les gens de la salat vont être appelés pour entrer au paradis de la porte de la salat. Une des portes du paradis s'appelle la porte de la salat. Sadaqa, les gens de l'aumône vont être appelés à rentrer au paradis par la porte de l'aumône. Les gens du djihad vont être appelés par la porte du djihad. Et les gens du jeûne, du siyam, vont être appelés par la porte du siyam, qui s'appelle quoi? Qui s'appelle Riyan. Riyan. وقد يوفق الله عز وجل بعض الناس لأعمال صالحة شاملة. Il a dit, c'est possible, ça arrive que Allah عز وجل يعني aide certains gens pour qu'ils fassent des œuvres complètes, فيدعى من جميع الأبواب, au point où cette personne sera appelée par toutes les portes. Donc, Cheikh Ibn Othaymeen Rahmoud dit, c'est possible que Allah عز وجل aide certains gens pour que ces gens fassent des œuvres, mashallah, complètes. Pourquoi? Est parfaite pour qu'elle soit appelée par les 8 portes. C'est quoi le délit? Dans Sahihain, Bukhari Muslim, An Abi Huraira radiallahu ta'ala anhu, Anna Nabiya alayhi sallallahu salam, قال, que le messager de Allah a dit, Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, du'iya min abwabil jannah ya Abdallah, ala khair. Le messager d'Allah alayhi sallallahu salam a dit, quiconque donne au monde deux choses semblables, Zawjain. Zawjain, ce n'est pas deux femmes, c'est deux choses semblables. Deux choses semblables. Par exemple, il donne deux chameaux, il donne deux chevaux, Sabillah, il donne deux voitures, il donne deux bagues, comme ça, deux. Pas une seule chose, ils sont semblables. Il a dit, celui-là, on va l'appeler par les portes du paradis. On va lui dire, Ya Abdallah, ô serviteur d'Allah, Hada khair, tu vas, voilà, tu as trouvé le bien ici. Ensuite, le hadith. Et bien sûr, il est long, il a dit, celui qui est de la salat, on va l'appeler de la porte du salat. Celui qui est du djihad, on va l'appeler du djihad. Celui qui faisait le jeûne, on va l'appeler de la porte du rayyan. Celui qui donnait en aumône, on l'appelle de la porte de l'aumône. Ensuite, Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, a demandé, il a dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il y a une personne, ou d'ailleurs, est-ce que c'est possible qu'une personne soit appelée à rentrer par toutes les portes. Ici, c'est ça d'ailleurs le témoin du Tars, le messager d'Allah a répondu, Naam, oui, il y a certaines personnes qui vont être appelées des 8 portes du paradis, wa arju an takuna minhum, et j'espère que tu seras deux. Et quand le messager d'Allah dit, j'espère que tu seras deux, ça veut dire, bi'idnillahi ta'ala, qu'il sera deux. C'est pour ça que Abu Bakr Siddiq, si vous allez lire sa biographie, certains ont cité ce hadith dans sa biographie, comme quoi il avait tellement de mérite qu'il est cité parmi ceux, non seulement qui vont rentrer au paradis, mais qui vont rentrer par les 8 portes. Masha'Allah. Ah, Masha'Allah. Et Shahfi Shia. Shahfi Shia. Shia qui disent que Abu Bakr Siddiq est un kafir. Un kafir, ça veut dire qu'il va aller éternellement en enfer. Naam. On leur dit, Naam. Rouma unufikum. Naam. Wa rahimat unufukum. Fa inna. Abu Bakr Siddiq سيدخل ليس فقط إلى الجنة لكن من أبواب ثمانية. On va leur dire, non seulement il va rentrer au paradis, mais par les 8 portes بإذن عز وجل. فإن قلت إذا كانت الأبواب بحسب الأعمال لزيما أن يدعى كل أحد من تلك الأبواب إذا عمل بأعمالها. فما الجواب؟ الشيخ الله يرحمه a dit, puisque vous dites que les gens vont rentrer au paradis, aux portes, de par les portes du paradis, d'après les œuvres, d'après salat, zakat, etc. Donc, qu'est-ce que vous allez dire des personnes qui font toutes ces œuvres? Par exemple, nous tous, on fait le hajj, nous tous, on fait siyam, nous tous, par exemple, on fait la salat, et nous tous, par exemple, il nous arrive de donner de l'aumône. Alors, comment se fait-il? Donc, d'après Cheikh Ibn Othaymeen, il dit, donc, d'après ce raisonnement, tout le monde va rentrer par les 8 portes. Il a dit, الجواب أن يقال يدعى من الباب المعين من كان يكثر من العمل المخصص له. Il a dit, chaque personne, on va l'appeler, de la porte, d'après quoi? D'après quelles sont les œuvres qu'elle faisait le plus? Quelles sont les œuvres qu'elle faisait le plus? Vous savez que nous tous, on fait la salat, on fait zakat, on fait siyam, on fait. Mais certaines personnes ont un penchant vers une adoration plus qu'une autre. Vous avez remarqué que certaines personnes, par exemple, prient beaucoup la nuit, comme le faisaient les savants. Les savants, vous savez que peut-être qu'il n'y a pas un grand savant qui ne faisait pas la prière de la nuit. Celui-là, donc il faisait peut-être la prière plus que quoi? Plus que le siyam, plus que l'aumône. Celui-là, il va être appelé par la porte de la prière. Et il y a des gens, vous savez, qui ont, mashallah, qui sont assez forts et ont le cœur assez fort pour par exemple, jeûner. Il y en a qui jeûnent un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour non. Il y a des gens qui ne ratent jamais le lundi et le jeudi. Il y a des gens qui ne ratent jamais 3 jours dans le mois, 13, 14, 15. Et comme ça, ceux-là, ils vont être appelés par la porte du quoi? Du Seyyam. Naam. Et bien sûr, si maintenant une personne yani, est équilibrée et elle fait toutes ces choses, elle les fait beaucoup, elle aura cette faveur d'être appelée comme Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu par les 8 portes. Naam. Onzièmement, le 11e événement et avant-dernier qui aura lieu le jour de la résurrection, c'est Shafa'a, c'est l'intercession. C'est lorsqu'Ibn Taymiyyah a dit, sallallahu shafa'at. Il a dit, et le messager d'Allah aura le jour de la résurrection 3 intercessions. 3 intercessions. الشفاعة جمع شفاعة الشفاعة جمع شفاعة donc الشفاعة الشفاعات c'est quoi ça vient de quel mot ça vient du mot شفاعة au pluriel الشفاعات et الشفاعة c'est quoi en arabe dans le sens étymologique c'est c'est جعل الشيء شفعا une chose elle est paire tu vas la rendre impaire. La chose, elle est paire, elle était une, tu vas la rendre deux. Elle était cinq, tu vas la rendre six ou huit. Rendre la chose paire. La chose qui est impaire, tu la rends paire. Tu as fait quoi? Tu as fait shafa'ata. Et canoniquement, c'est-à-dire juridiquement, c'est quoi? C'est at-tawassut lil ghayri bi jalb manfa'atin aw daf'i madarra. Et c'est juridiquement, c'est faire l'intermédiaire pour l'autre, faire l'intermédiaire pour une personne, hein, pour lui attirer, ou bien lui attirer un bien, ou bien pousser de lui un mal. Donc tu vas faire l'intercession pour une personne, pour ou bien lui attirer un bien, ou bien éloigner de cette personne un mal. Et donc ici, comment, quelle est la relation entre le sens étymologique et le sens juridique? La relation, c'est que lorsque tu vas faire cette chose, non, tu vas faire cette chose, la personne à laquelle tu vas faire l'intercession, elle était seule, n'est-ce pas? Elle était impaire. Et maintenant, en ta présence, avec ton intercession, ça va devenir pair. Vous allez devenir deux. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Faqad shafa'at. Donc, tu as fait shafa'a. Il était seul, maintenant, vous êtes deux. Non. Ou shafa'atu tanqasimu ila qismayn. Très important de savoir cela, que l'intercession se divise en deux grandes sortes. Shafa'atun batila, intercession nulle, qui ne compte pas. Et shafa'atun sahiha, et une intercession valide et valable. On va commencer par l'intercession qui est nulle et qui ne compte pas chez Allah Azza wa Jal. C'est ma yata'allaqu bihi al-mushrikun fi asnamihim. C'est ce que font par exemple, les polythéistes, les associationnistes, et les mouchrikoun, ce qu'ils font avec leurs idoles et leurs statues. Pourquoi? Ils adorent ces statues, et si tu lui demandes pourquoi tu adores cette statue? Elle ne fait ni mal, ni bien. Elle ne peut pas parler, elle ne peut rien faire. Pourquoi tu l'adores? Il va te dire, justement, c'est juste pour qu'elle me fasse l'intercession demain devant Allah. Va te dire, moi je suis souillé, moi je suis plein de fautes et ça. Donc cette statue va me faire l'intercession demain devant Allah Ta'ala. C'est un peu comme chez les chrétiens. Pour eux, toute personne n'a pas le droit de demander à Allah Ta'ala de lui pardonner. Mais il faut passer par le prêtre qui doit te faire quoi? Zama, il va te faire l'intercession. Alors que lui, le prêtre, il n'y a pas plus pécheur que lui. Peut-être il n'y a pas plus pécheur chez les chrétiens que les prêtres. Et ce qu'ils font en cachette, comme zina et comme sodomie, et comme c'est pas la peine de le dire ici dans le DAS. Donc, en islam, alhamdoulilah, tout le monde peut lever la main et faire des doigts. Je n'ai besoin de personne pour qu'il fasse cette chose à ma place. Non, il suffit seulement que je me corrige, que je revienne vers Allah Ta'ala, que je m'habille avec du halal, je mange du halal, je suis sincère avec Allah, et je lève les mains, Allah subhanahu wa ta'ala me répondra et m'exaucera. S'il ne m'exauce pas, je lui dis, je lui dis, Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, tu ne m'as pas exaucé, c'est pas parce que tu es avare, astaghfirullah, tu ne veux pas me donner ce que je veux, mais parce que tu aimes quoi? Tu aimes mes intérêts, moi je ne connais pas mes intérêts. C'est pour ça que chaque personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala ne lui répond pas ce qu'elle a demandé, ça veut dire qu'en revanche, il va éloigner d'elle la même quantité de mal. Sinon, il va lui laisser cette chose pour Yawm al-Qiyamah, comme c'est dans le hadith authentique. Donc, Allah ta'ala dit, « وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ » Younus 18. Il a dit, ils adorent, au lieu d'Allah Azzawajal, qu'est-ce qu'ils adorent? Ils adorent ce qui peut ni leur nuire, ni leur profiter. Et ils vont dire, ceux-là, yani ces statues-là, ou là, ces personnes-là, seront nos intercesseurs auprès d'Allah Azzawajal. Mais Allah Ta'ala a dit que, la tenfa'om, il a dit que, cette chose-là, ce qu'ils font là, ça ne va rien leur apporter. Ni dans cette dunya, ni dans l'au-delà. Mieux encore, dans l'au-delà, ces statues, etc., quand elles vont parler, les statues, elles vont dire, nous, yani, on se désavoue de ces personnes. Non. Et les morts que les gens allaient tourner autour de leur tombe et les implorer pour leur demander de leur donner des enfants et de les guérir de leur maladie, ceux-là aussi vont dire, Ya Allah, kafarna bihim. Nous, yani, on ne reconnaît pas ces gens-là, on ne leur a jamais demandé de venir nous demander quelque chose. Ensuite, Allah Ta'ala dit, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ الْمُتَثِّرِ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ne leur profitera point l'intercession des intercesseurs. Non, l'intercession de qui? Des intercesseurs, n'importe quel intercesseur, non, qui intercesse pour les koufars, non, il a dit, cette intercession est nulle. Nul, nam. Quant à l'intercession qui est valide et acceptée chez Allah Azzawajal, elle doit quoi? Elle doit remplir trois conditions. Donc toute intercession qui ne remplit pas trois conditions n'est pas acceptée demain chez Allah Azzawajal. Première condition, ridallahi, nam, ridallahi an shafi'. Il faut que Allah Azzawajal accepte et agrée la personne qui veut faire cette intercession. Donc c'est la première quoi? La première condition. Pourquoi? Imaginez Yom al-Qiyamah, imaginez le jour de la résurrection, imaginez que tout le monde se lève et dise, moi je vais faire l'intercession pour que X et Y n'aillent pas en enfer, pour que X et Y aillent au paradis, etc. On va leur dire, mais qui es-tu toi? Qui es-tu toi? Est-ce que tu as la permission, est-ce que Allah Ta'ala, le Seigneur, t'a donné la permission d'intercéder, ou là, comment on dit, de faire l'intercession, d'intercéder, non? Est-ce qu'il t'a donné la permission d'intercéder? Donc, la première condition, il faut quoi? Il faut l'agrément de Allah Ta'ala. Il faut que Allah Ta'ala agrée celui qui va faire l'intercession. Et bien sûr, vous savez que ce n'est pas tout le monde qui va faire l'intercession. Deuxièmement, supposons que Allah Ta'ala dise Yom al-Qiyamah, toi, pour X des personnes qu'on va appeler Omar. Par exemple, toi, Omar, non, je t'agris pour faire l'intercession. Est-ce que ça suffit? Ça suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut la deuxième condition. C'est quoi? رضاه عن المشفوع له. Il faut que Allah subhanahu wa ta'ala accepte aussi et agrée la personne à laquelle tu vas faire l'intercession. Naam. Maintenant que tu as rempli la première condition, Allah ta'ala t'a agréé. Naam, tu vas faire l'intercession. Est-ce que tu vas la faire à qui tu veux toi? Jamais de la vie. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique qui se trouve dans le Bukhari, il a dit quand je vais faire l'intercession, Allah ta'ala va me faire des limites. Naam, hudud, hudud. C'est-à-dire que ce n'est pas un marché ici. Naam, on fait rentrer qui on veut et on fait sortir de l'enfer qui on veut. Mais c'est d'après les conditions, si elles sont réunies ou pas. D'après les conditions, si elles sont réunies ou pas. Donc Allah Ta'ala, après qu'il accepte d'une personne qu'elle fasse l'intercession, naam, il faudrait aussi qu'il accepte la personne à laquelle on va faire l'intercession. C'est-à-dire, maintenant il t'a choisi pour faire l'intercession, tu dis, je voudrais telle et telle personne, telle et telle, il faut que Allah Ta'ala accepte. Il faut qu'il accepte que cette personne, tu lui fasses l'intercession. Troisième condition, c'est quoi? C'est maintenant qu'ils te disent, alors commence l'intercession, fais-la. C'est-à-dire, pour bien expliquer, Allah Ta'ala a dit à Omar, X des gens, Omar, il lui a dit, d'accord, j'accepte que tu fasses l'intercession. Ensuite, il lui a dit, voilà à qui tu vas faire l'intercession. À X, à Y, à celui-là, celui-là, celle-là, celle-là, Naam. Donc Allah Ta'ala a agréé aussi la personne à laquelle on va faire l'intercession. Maintenant reste quoi? Ce n'est pas dès que Allah Ta'ala accepte, ça veut dire que Omar se lève et commence à faire l'intercession. Non. Il faut que Allah Ta'ala lui dise, maintenant, allez, c'est le moment de la faire, fais-la. Car il est possible qu'il te dise, je t'ai accepté de faire l'intercession, j'ai accepté que tu fasses l'intercession à Y, mais pas maintenant. Pas maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Mais là, il faut attendre que Allah Ta'ala te donne quoi? La permission de la faire. Donc ce sont les trois conditions. Et Allah Ta'ala a bien montré ça dans le Coran. Il a dit, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Najm 26. Il a dit, et combien d'anges dans les cieux, dont l'intercession ne sert à rien. Sinon, qu'Allah Azza wa Jalla l'aura permis en faveur de qui il veut et qu'il l'agrée. Donc, Allah Ta'ala a bien montré que personne ne peut faire l'intercession s'il ne remplit pas les trois conditions. Il a dit, même si c'est un ange, regardez, les anges qui ne font jamais de péché. Il a dit, et il ne peut pas faire l'intercession, sauf si Allah subhanahu wa Azza wa Jalla yadan lahu. Allah Ta'ala, yani, accepte pour qu'il fasse l'intercession, l'imam yasha wa yirda, et que Allah Ta'ala soit agréé aussi à la personne à laquelle on va faire l'intercession. Ensuite, il a dit ya'dan lahu, et qu'il y ait aussi la permission. Naam. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a quoi? A trois intercessions. La première, ash-shafa'atu al-'uzma fa yashfa' fi ahli al-mawqif حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة. Le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a trois grandes intercessions. La première, celle que on en a déjà parlé, celle qui se trouve dans les assises, les arasat al-qiyama. Pourquoi? Pour que yani les gens soient jugés. C'est la première. Si vous vous souvenez, on a dit que c'est celle où le messager d'Allah va faire l'intercession pour éloigner d'eux les chagrins, les soucis et les maux. Non, ça c'est, elle s'appelle la grande intercession. L'Uzma. Pourquoi c'est la grande et l'Uzma? Parce qu'imaginez les gens, 50 000 ans, subhanallah al-azim, en ce jour en train d'attendre. Hein, et voilà que yani, le messager d'Allah vient et fera l'intercession. Mieux encore, ce qui montre que c'est vraiment une sublime intercession, une très très très très grande. La preuve c'est quoi? C'est que les gens iront voir tous les autres messagers, ou bien les plus connus d'eux, comme Adam et Nuh et Ibrahim et Moussa et Isa, et que ceux-là tous, personne d'eux ne pourra faire cette intercession. Personne d'eux ne pourra faire cette intercession si ce n'est notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui montre toujours quoi? Sa grande valeur. Naam. Donc vous connaissez le hadith. Naam, je ne vais pas le lire car il est très connu de vous et vous l'avez entendu plusieurs fois où il est dit que naam, quand le soleil commence à descendre, etc., naam, les gens vont parler, vont se dire est-ce qu'on va rester comme ça tout le temps? Naam, vous ne voyez pas dans quel état on est? Et si on voyait quelqu'un qui nous fasse l'intercession? Et si on voyait quelqu'un qui nous fasse l'intercession auprès d'Allah Azzawajal? Alors ils vont dire, Alaykoum bi Adam. Ils vont aller chez Adam alayhi salam. Et Adam alayhi salam va dire que je ne peux pas. Il va citer qu'il a mangé de l'arbre, qu'il ne fallait pas manger, etc. Il va les envoyer chez Noé. Et Noé alayhi salam va dire je ne peux pas. Il va citer ce qu'il a fait. Il va les envoyer chez Ibrahim. Ibrahim alayhi salam va dire je ne peux pas. Il va citer ce qu'il a fait. Il va les envoyer chez Moussa alayhi salam. Moussa va dire je ne peux pas. Il va les envoyer chez Issa alayhi salam. Et Issa alayhi salam va citer, dans un autre hadith, il a cité, que, yani, quelle est la cause? Il a dit qu'on m'a adoré à part Allah. Yani, on a laissé Allah venir, on m'a adoré à sa place. Il a dit, allez chez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Alors, ils vont aller chez Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, bi'inna azzawajal, qui va, comme vous le connaissez tous, qui va yani, se mettre, se prosterner au-dessus du trône. Hein? Pour ceux qui disent que le trône n'existe pas, ou là que le trône se trouve en bas, ou là que le trône c'est juste c'est la puissance, ou là c'est n'importe quoi, comme disent les Habash et les autres. Hein? Comment se fait-il que le messager de Allah se mette sous le trône, il se prosterne au-dessus du trône? Et cette intercession, comme je l'ai dit, personne ne peut la faire à la place du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Même les messagers doués de fermeté, même ouloul azm qu'on a cité, même ceux-là, ils ne peuvent pas la faire. Même Nuh, même Ibrahim, même Moussa, même Isa, personne de ceux-là ne peut faire cette grande intercession. Alors qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de Idris? Qu'en est-il de Daoud? Qu'en est-il de Souleyman? Tout cela, bien sûr, si les autres ne peuvent pas, ceux-là aussi ne pourront pas. Non. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmou a dit que lorsque Ibn Taymiyyah a cité qu'ils iront chez les messagers et commenceront par Adam. Ils commenceront par Adam, ensuite Nuh. Cheikh Ibn Uthaymeen rahmou a dit le fait que Ibn Taymiyyah, le fait qu'il ait dit avec certitude que Adam est un messager, il a dit justement c'est comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que Adam c'est un messager. Il y en a qui croient que Adam c'est seulement le père des humains. Et pour certains, A'oudhou billah, pour certains, ce n'est même pas le père des humains. Il y a maintenant des philosophies et des philosophes qui commencent à philosopher, à dire que ce n'est pas Adam. Non, ce n'est pas Adam le père des êtres humains. Non, on se désavoue de celui qui dit cette chose demain ici et demain quand on rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Muhim. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen a cité un hadith. C'était un hadith rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih numéro 2, volume 2, page 77, où Abu Dharr, radiyallahu ta'ala anhu, a demandé au messager d'Allah, alayhi salam, est-ce que Adam était un messager? Qu'un nabiyyin? Naam. Il a répondu, naam. Il a répondu, oui. Ce hadith, je ne sais pas exactement s'il est authentique ou il comporte quelque chose. Mais je vais le remplacer par un autre qui se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani, numéro 2668, où le messager d'Allah alayhi sallam, a dit Kana Adamu Nabiyyin Mukallama. Il a dit Adam alayhi sallam, était quoi? Était un Nabi, un prophète, Nam Mukallama. Allah subhanahu wa ta'ala lui parlait et lui révélait aussi. Il a dit, il a ajouté encore quelque chose, il a dit Kana baynahu wa bayna Nuh 10 qurun. Naam. Le message d'Allah nous a appris que entre Adam et Nuh, combien qu'il y a eu de temps? Il a dit 10 siècles. Est-ce que c'est une chose que quelqu'un peut connaître si ce n'est pas le messager d'Allah qui l'a appris de par Allah subhanahu wa ta'ala? Naam. Est-ce que quelqu'un peut connaître combien il y a eu de temps entre le messager, entre Adam alayhi salam et Noé? Personne. Mais le messager d'Allah a dit que il y a quoi? 10 siècles. Ashrat Qurun. Il a dit, wa kanat ar-rusul 300 wa 15. Il a dit, et les messagers sont au nombre de 315. Hein? Et vous vous rappelez le hadith antique qui dit que les messagers, leur nombre c'est 315. Dans un autre, j'ai lu 314. Et les prophètes c'est 124 000. Donc 124 000 prophètes et 315 messagers. Donc ensuite, ça c'est la première intercession. Ensuite viendra aussi une autre intercession. C'est laquelle? C'est lorsque les gens passeront le pont, Sirat, et passeront ensuite la passerelle, Nam, et se trouveront en face du paradis. Malgré cela, ils trouveront la porte fermée du paradis, ou les portes fermées, ils ne peuvent pas entrer. Nam. Donc ici viendra la deuxième intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour que les gens puissent rentrer au paradis. Pour que les gens puissent rentrer au paradis. Et on a cité le verset, Hatta ida ja'uha wa futihat abwabuha. Aussi, dans le hadith authentique, Yajma'u Allah tabaraka wa ta'ala an-nas, fayaqumu mu'minun hatta tazlufa lahumul jannah. Fayatuna Adam fayaquluna ya abana istaftih lana ila akhir. À la fin, il a dit, fayatuna Muhammadan fayaqumu fayudanu lahu. Ensuite, quand ils arrivent devant le paradis, ils vont le trouver fermé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, comme c'est dans le hadith musulman authentique, comme ils ont fait, hein, pour demander à être jugés. Ils vont dire, et si on allait voir Adam alayhi salam? Ils vont voir Adam, il va les envoyer chez Nour. Nour va les envoyer chez Ibrahim et comme ça. Jusqu'à ce que ça arrive au messager d'Allah alayhi salam, il va dire, Naam, c'est moi, Inch'Allah ta'ala, qui yani, vais vous ouvrir la porte. Naam. Ensuite, il y a la troisième intercession. Mais cette troisième intercession est quoi? Est yani, spécifique au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Personne, yani, que lui, ne peut avoir cette intercession. C'est laquelle? C'est l'intercession, nam, fi ammihi Abi Talib. Quand il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala, nam, de faire l'intercession à son oncle, Abu Talib. Son oncle, car il est mort kafir. Nam. Le shir a dit, rahmahullah, fa'amamu rasouli alayhi sallallahu alayhi wa sallam, les oncles du messager d'Allah alayhi sallam étaient au nombre de 10. Adraka al-Islam minhum arba'a. Quatre oncles du messager d'Allah, quatre oncles, parmi les 10, ont vécu jusqu'à l'islam. Ont vécu jusqu'à l'islam. Ça veut dire 6, 6 des 10 sont morts avant l'islam, dans la période anti-islamique. De ces quatre-là, qui ont vécu jusqu'à que le messager d'Allah soit devenu un messager, deux sont restés dans le coffre et deux sont devenus musulmans. Quant aux deux qui sont restés dans le coffre, Abu Lahab, Naam, waqad asa'a ila nabi aslam isa'a azima. Tout le monde sait ce Abu Lahab, qu'Allah le maudisse, qu'est-ce qu'il a fait, combien qu'il a fait de mal au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Naam, ainsi que sa femme. Qui pour certains s'appelait Jamila. Allah Ta'ala a cité Wahammalat al-Hatab, puis Jidia Hablun min Masad. Naam. Et le deuxième qui est resté et qui est mort aussi kafir, c'est qui? Abu Talib. Abu Talib. Mais la différence entre ces deux oncles, qui sont tous les deux kuffars, c'est que le premier, Abu Lahab, n'a fait au messager d'Allah alayhi sallam, que du mal. Alors que le deuxième, Abu Talib, Naam, n'a fait au messager d'Allah que du bien. C'est lui qui a eu beaucoup, beaucoup de. Yani, comment on dit ça en français? Mawaqif. Il a eu. Yani, mawaqif, c'est-à-dire. Bon, j'ai pas trouvé le mot. Et il a beaucoup, beaucoup aidé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il a défendu. Nan, et il a eu beaucoup de prises de position. Beaucoup de prises de position. Avec le messager d'Allah et contre les kuffars. Non. Mieux que cela, ça lui arrivait même qu'on lui fasse mal aussi à lui, à cause du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais, puisqu'il était très connu chez les Qurashites, et il était aussi, yani, il avait aussi une très très grande place, et un très haut statut, et un rang social, C'est pour ça que, yani, on n'a pas pu beaucoup, yani, lui faire de mal. C'est pour ça que, aussi, même le messager d'Allah, on n'a pas pu beaucoup, yani, lui faire de mal, tant que son oncle Adam était vivant. Et les deux autres oncles du messager d'Allah qui sont rentrés en islam, c'est qui? Al-Abbas. Et deuxième, Hamza, radiallahu ta'ala anhuma. Et le deuxième Hamza est mieux que l'Abbas, ou afdal min Abbas, au point où le messager d'Allah alayhi sallam l'a appelé un lion, le lion d'Allah, Asad Allah. Et il est mort martyr, fi Uhud. Et vous connaissez son histoire avec Wahshi et Hind. Avec Wahshi et Hind. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi sallam l'a appelé comment? Sayyidu Shuhada. Sayyidu Shuhada. Le maître, si je puis dire, des martyrs. Non, le grand martyr. Non. Donc ce Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui fasse une intercession pour lui alors qu'il est kafir. Non. Et ça, c'est seulement une particularité pour le messager d'Allah. C'est toujours pour montrer quoi? Le grand et haut statut du messager d'Allah chez Allah ta'ala. Subhanallah. Un kafir, il va lui faire l'intercession. Mais bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, si Allah Ta'ala te permet de faire l'intercession et accepte à qui tu la fasses, mais tu la fais dans les limites. C'est quoi les limites ici? C'est seulement, yani, il va lui faire l'intercession seulement pour alléger de lui, nam, le châtiment qu'il y a en enfer. Mais jamais, il ne pourra le faire sortir de l'enfer pour entrer au paradis. Car Allah Ta'ala a cité dans plusieurs versets que jamais, jamais, jamais, le mécréant ne rentrerait au paradis. Jusqu'à ce que le chameau rentre par le chat de l'aiguille, ce qui est impossible. Donc, le messager d'Allah a montré que on va le mettre dans comme ça, yani un peu d'eau, une eau comme ça, nan, qui lui arrive jusqu'au chevet. Nan. Et dans un autre hadith, on va lui mettre des souliers de l'enfer. Il a dit, on va lui mettre ça, nan, il aura son cerveau, mokho, qui commencera à quoi? À bouillir. Et malgré cela, bien sûr, il sentira que il n'y a personne qui est châtié comme lui. Alors que, en parenthèse, c'est quoi? C'est celui qui est le moins châtié en enfer. Celui qui est le moins châtié, il aura quoi? Il aura son cerveau qui va bouillir. Qu'en est-il de, par exemple, Abu Lahab, qui va être châtié peut-être parmi les plus, Yom al-Qiyamah. Non. Et il y a aussi une autre shafa'a, on peut dire une quatrième, ou bien c'est la troisième qui se divise en deux. Comme le messager d'Allah va faire l'intercession à certaines personnes pour rentrer au paradis, il va faire aussi l'intercession à certaines personnes qui devaient rentrer en enfer pour qu'elles ne rentrent pas. Masha'Allah. Non. Certaines personnes devaient rentrer en enfer, mais quand le messager d'Allah va faire cette intercession, ils ne vont pas rentrer en enfer. Non. Et, mieux encore, il y a ceux qui vont rentrer en enfer, non, et que le messager d'Allah va faire sortir de l'enfer. Et que le messager d'Allah va faire sortir de l'enfer. Quant à ceux qui ne vont pas rentrer en enfer alors qu'ils devaient rentrer, le Cheikh Allah, c'est basé sur un hadith où le messager d'Allah, non, a dit que quand il faisait la prière du mort sur un mort, qu'est-ce qu'il disait entre autres? Il a dit par exemple quand Abu Salama est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Allahumma ighfir li Abi Salama. Oh Allah Ta'ala, pardonne Abu Salama, warfa' darajatahu fil mahdiin, et élève-le dans les rangs des guidés. Non. Il a dit, non, puisque le messager d'Allah a demandé à Allah Ta'ala qu'il lui pardonne, il a dit donc, si une personne devait rentrer au paradis, ensuite le message là demande qu'on lui devait rentrer en enfer, et Allah Ta'ala demande qu'on lui pardonne, et Allah Ta'ala va lui exaucer, donc cette personne n'ira pas, quoi, n'ira pas en enfer. Donc c'est une preuve que certains qui devront aller en enfer, non, ne vont pas y aller à cause de quoi? Des doigts. C'est pour ça que le messager d'Allah a dit ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه. Il a dit, il n'y a pas une personne qui meurt croyante, que ce soit un homme ou une femme. Ensuite, il y a 40 personnes qui vont faire la prière sur lui, à condition que ces 40 personnes soient des mouhidines, soient pas des mouchrikoun, ils ne font pas le shirk. Il a dit, s'il y a 40 personnes qui font la prière du mort sur une personne, et que ces 40 personnes ne font pas le shirk, alors Allah Ta'ala va leur faire l'intercession. Va leur faire intercession. Non. Il a dit, il a dit, cette dernière intercession dont on a parlé, il a dit, elle n'est pas particulière au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que tous les messagers, tous les prophètes auront des intercessions. Et ils vont demander à Allah Ta'ala à ce qu'il pardonne, parce qu'il pardonne à qui? Parce qu'il pardonne aux pécheurs de leur nation. Et à ce qu'il fasse entrer quelques-uns au paradis alors qu'ils devraient entrer en enfer. Et à ce qu'il fasse sortir certains de leur nation de l'enfer. Il a dit, même les croyants d'ailleurs, pas seulement les messagers, même les croyants ont des intercessions. Comme les véridiques, c'est des rôles. Comme les martyrs. Vous savez que le martyr va faire une intercession à 70 personnes de sa famille. 70 personnes de sa famille. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi, qu'on n'a pas cité ici, il y a aussi l'intercession des anges. Quand les anges vont rentrer en enfer et vont faire sortir des gens, ils les reconnaîtront de par quoi? De par yani, leurs membres qui n'ont pas été touchés par le feu. Ce sont les croyants qui, bien sûr, faisaient la salat. Par conséquent, faisait le wudu. Il n'y a pas de salade sans wudu. Interdit au feu de manger les parties où on fait le wudu. C'est pour ça que les anges vont rentrer en enfer avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire sortir tous ceux qui faisaient la prière et le wudu, bien sûr, et ont fait des fautes et n'ont pas pu être pardonnés par les fautes. Ni dans la tombe, ni le jour de la résurrection. Et ensuite viendra la grande intercession, c'est quoi? L'intercession d'Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, Allahu Akbar. Allah Azzawajal va faire l'intercession. Comme il a dit, Allah Ta'ala a dit dans le hadith Qudsi, rapporté par Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit? Shafa'atil Malaika. Allah Ta'ala a dit, ou la va dire, les anges ont fait l'intercession. Shafa'at Nabiyoun. Et les prophètes ont fait l'intercession. Et les croyants, entre autres les martyrs, etc., ont fait leur intercession. Et ne reste que le tout miséricordieux. Le miséricordieux, le tout miséricordieux. Il ne reste que Arhamur Rahimin qui n'a pas encore fait son intercession. Il a dit, il va prendre comme ça, Qabza. Il va prendre comme ça, Qabza. Et Abdallah, c'est peut-être en arabe, ça donne une poignée de l'enfer. Il a dit, فَيُخْرِجُ مِنْهَا أَقْوَامًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَدْ عَادُوا هُمَمًا. Et Allah Ta'ala va faire sortir de l'enfer des gens qui n'ont jamais fait de bien et au point où ils sont devenus des charbons. Ils sont devenus comme du charbon. Imagine une personne qui devient noire comme du charbon. Tout brûlé. C'est-à-dire, si tu la vois, tu ne sais pas si c'est un charbon ou si c'est une personne. Cela, Allah Ta'ala va leur faire quoi? Va leur faire l'intercession, bien sûr. Quand je dis cela, ça veut dire que ce sont toujours des croyants. Ce ne sont pas des kofars. Allah Ta'ala ne fait pas sortir les kofars de l'enfer. Mais ce sont ceux qui ont fait le plus de péchés possibles. Ils vont les faire sortir après qu'ils soient devenus charbon et ils vont passer par une rivière ou bien une fontaine où ils vont se laver. Et ils vont, yani, subhanallah al-azim, ils vont renaître de nouveau, ressusciter de nouveau, comme ressuscite un peu la plante, comme la plante d'âme. Voilà, inshallah ta'ala, pour le tas d'aujourd'hui. On commence, inshallah ta'ala, directement par les questions-réponses. Et je dis d'abord, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Dinul haq, tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين الحق سابو إن شاء الله. السلام عليكم، حياك الله. Comment concilier ces deux croyances? La croyance au qadar, que tout ce qui nous arrive est déjà écrit, et la croyance que quand on fait dua, Allah nous exauce. À quoi sert de faire dua si tout est déjà écrit pour nous? Est-ce que Allah peut nous rajouter des choses qui n'étaient pas écrites quand on a fait dua? Barakallahu fikoum. Par contre, cher le frère Taliban, il dit que qu'on a mal entendu sur InSpeak. Je ne sais pas si vous avez mis le stéréo mix. Est-ce que je répète, Inch'Allah? Alhamdulillah, mais est-ce que vous avez entendu le Taliban ou je répète, Inch'Allah? Non, donc je répète. Assalamu alaikum, hayakallah. Comment concilier ces deux croyances? La croyance au qadar, que tout ce qui nous arrive est déjà écrit, et la croyance que quand on fait dua, Allah nous exauce. À quoi sert de faire dua si tout est déjà écrit pour nous? Est-ce qu'Allah peut nous rajouter des choses qui n'étaient pas écrites quand on fait dua? Barakallahu fikoum. Tafadhal cheikh. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. En fait, la réponse est très simple. La réponse est très simple. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que s'il y avait une chose qui pouvait rendre le qadar, le destin, c'était le doigt. Et il nous a appris dans un autre hadith que quand le destin descend et que nous on fait des doigts, les doigts montent et se rencontrent en plein milieu du ciel et commencent à se battre comme ça et ils restent comme ça jusqu'au jour dernier. Il a dit que doa, ça rendait le qadr, ça le rendait. Moi-même, si on a compris cela, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que Allah Ta'ala avait écrit hein, que telle chose, par exemple, allait arriver. Ensuite, hein, a écrit que tu allais faire un doa. Allah Ta'ala sait que tu vas faire une doa contre cette chose, par exemple. Contre le fait de ne pas faire un accident, le fait de ne pas, par exemple, avoir le cancer, et comme ça. Alors, Allah Ta'ala va annuler ce qu'il a écrit auparavant. Pourquoi? Parce que Allah Ta'ala dit dans le Coran, attendez, je me rappelle le verset, attendez, je le cherche, c'est mieux, pour être plus sûr, ou Youssef. Attendez, toujours si je le trouve ici. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais. Allah Ta'ala dit que yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Naam, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Wa indahu umul kitab. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Wa indahu umul kitab. Allah Ta'ala dit que il effaçait ce qu'il voulait et il laissait ce qu'il voulait. Et il a la mère, si je puis dire, des livres. Le vrai livre, c'est Allah Ta'ala qui l'a. Parce qu'il y a deux livres. Il y a un livre chez les anges, un livre chez Allah. Celui qui est chez Allah, il ne change jamais. Il a écrit que cette personne, Naam, allait faire quelque chose, il allait lui arriver quelque chose, mais il a écrit qu'il y a les doigts qui vont annuler cette chose. Naam. Et chez les anges, ils ne savent pas. Chez les anges, ils ne savent pas. C'est pour ça que le vrai, c'est ce qu'il y a dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, toi, tu ne sais pas si telle chose va t'arriver. C'est pour ça que tu es obligé de faire des doigts. Car tu viens d'apprendre que Allah ta'ala annule les choses à cause des doigts. C'est pour ça, donc, on ne doit pas dire si cette chose est écrite, là, elle est écrite. Donc, je ne fais pas de doigt. On lui dit, d'où sais-tu? D'où sais-tu que cette chose est écrite? Naam. Et d'où sais-tu que, si tu ne fais pas des doigts, qu'Allah Ta'ala va l'annuler? Fais des doigts, peut-être que cette chose est écrite. Fais des doigts pour l'annuler. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a, Inch'Allah Ta'ala, oh, rien de contradictoire. Si ce n'est pas clair, je peux expliquer encore. Non. Je parle toujours à celui qui a posé cette question. Si ce n'est pas clair, je vais réexpliquer, Inch'Allah, j'attends. Alhamdulillah, barakallahu fik. Jazakallahu khair. On passe, Inch'Allah ta'ala, au suivant. Alhamdulillah. Ça me fait plaisir quand je sens que quelqu'un a compris. Tfadl. أبو وأم سيرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ، حياكم الله. Les personnes qui intercéderont le jour de la résurrection ont-ils des caractéristiques particulières؟ جزاكم الله خير، شيخ وحفظكم الله. تفضل شيخ. Wa'alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour répondre, je dirais que ceux qui feront les intercessions, naam, sont connus, comme j'ai dit. Il y a les anges, il y a les messagers, il y a les martyrs. Non. Il y a le. Il y a le. J'ai cité le martyr. Non. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a quoi? Ensuite, il y a par exemple les pieux. Il y a les véridiques. Ensuite, il est dit pour chaque mu'min. Il est dit que chaque croyant, qui était croyant ici, mashallah, qui faisait des fautes, ça ne fait rien, mais il faisait le repentir, etc. Et que demain, naam, alhamdoulilah, il a vu que sa balance, yani, alhamdoulilah, a bien marché, Allah Ta'ala lui a pardonné. Là, celui-là, il peut faire par exemple déjà l'intercession sur par exemple, son voisin, sur comme ça, comme a dit Cheikh Ibn Othaymine, Allah yarhamou. Donc les intercessions, c'est quoi? C'est des degrés. C'est des degrés. On commence du plus haut, on descend ensuite en bas, jusqu'à quoi? Jusqu'à yani, au simple croyant, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une grande différence, par exemple, entre celui qui peut sortir 1000 de l'enfer et celui qui, par exemple, peut sortir une seule personne. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadhal, le suivant. Zineb. Salam alaykoum, cher. Connaît-on le temps qui sépare les petits signes de la fin des temps des grands signes et des grands signes à la résurrection? J'ai écouté un de vos dars du 29 novembre 2008 où vous dites que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a juré par Allah qu'il va envoyer aux kuffars dans la tombe 99 dragons et sur chaque dragon 70 serpents. Et chaque serpent, 7 têtes, etc. J'aimerais avoir le dalil, s'il vous plaît. Barakallahu fik, cher. Hayakallah. Je voudrais faire une remarque d'abord à la personne qui vient de poser cette question, que ce qui est très connu chez les gens, c'est que il y a les petits signes, ensuite viennent les grands signes. Ça c'est en général. Mais ça n'empêche pas quoi? Ça n'empêche pas que même après la venue de certains grands signes, il y aura beaucoup de petits signes qui viendront. Apprenez ça bien et vous le verrez, inchallah ta'ala, très prochainement. C'est-à-dire, il ne faut pas que tous les petits signes se terminent pour qu'il y ait les grands. Non, même après la venue des grands, il y aura certains petits signes qui viendront. Je vous annonce la nouvelle, inshallah ta'ala, que il ne reste que quelques cours. On va terminer, comment ça s'appelle, l'Aqida al-Wasitiya, et on va rentrer, inshallah ta'ala, dans, c'est mon programme, inshallah ta'ala, on va rentrer dans les grands signes et les petits signes, ou bien dans les petits signes et les grands signes, et on va citer chaque signe avec ses dalils. Chaque signe avec ses dalils, bi-idhnillah azza wa jal. Quant au hadith, où il est dit que il y aura 99 dragons, chaque dragon 70 serpents, chaque serpent 7 têtes, etc. etc. Nam, je voudrais rassurer la personne qui a posé la question que ce hadith est authentique, nam, et qui se trouve dans Sahih al-Jama' de Sheikh al-Albani, Allah yarhamuh. Mais maintenant, je n'ai pas le hadith devant moi pour donner le numéro. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est impossible, je dis bien c'est impossible, que j'ai cité ce hadith dans le cours du 29-11, etc., et que je n'ai pas dit où se trouve ce hadith. C'est impossible. Je dis à la sœur de retourner à ce cours, sinon celui qui vient après. Où c'est cité le hadith, quel est son numéro et quel est le livre où il se trouve, bi-idhnillah azza wa jal. J'en suis yani, plus que sûr. C'est impossible que je dise un hadith sans donner yani, son dalil. Ou bien où il se trouve. Naam. Tfadl, inchallah, le prochain. Inch'Allah, on passe à Ibrahim 8. Bismillah wa salat wa salam ala rasulillah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayak Allah yashir. La semaine dernière, je vous ai posé une question sur le fait de se dire salafia, alors que la pratique a des déficiences. Je voulais vous donner des exemples. Donc les exemples sont faire des grands péchés, regarder la télévision, lire des livres futiles ou articles sur un tel, etc. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Si tu pouvais, Inch'Allah Ta'ala, recommencer. Tu pouvais recommencer, Inch'Allah Ta'ala, la question. Attendez une seconde, elle a dit, je l'ai noté sur mon cahier, il se peut que je n'ai pas noté le numéro. Mais ni même de ma ville ne connaît pas le hadith. C'est pour cela, Barakallahu. Non. Il n'est pas possible que cet imam-là connaisse tous les hadiths. Comme moi, il n'est pas possible que je connaisse tous les hadiths. C'est pour ça que, hein, tu devrais écouter dans le cours quel est le numéro du hadith et le livre. Et sinon, inshallah ta'ala, moi, inshallah ta'ala, je vais le chercher. Non, moi, inshallah ta'ala, je vais le chercher. Tfaddal, donne-moi la question. La question de Faouzan Sak. Salam alaykoum ya Cheikh, mes frères et sœurs du salon, ohibukum fillah. En sachant que tous les prophètes ont prêché le tawhid et qu'une personne meurt dans ce tawhid et s'est repentie de ses péchés, après cela sera-t-elle châtiée dans sa tombe et ira-t-elle en enfer malgré cela? Ou goûtera-t-elle les délices du paradis et ce dès son arrivée dans sa tombe? Je commence, Inch'Allah ta'ala, par répondre à la personne qui a demandé sur le hadith, qui a demandé sur le hadith, pour lui dire, Inch'Allah ta'ala, que ce hadith se trouve dans un livre de Cheikh Al-Albani qui s'appelle Sahih Targhib. Sahih Targhib, dans le numéro 3552. Sahih Targhib, numéro 3552. Naam, Tayyip, voilà, 3552. Le Rouraba, si c'est le Rouraba qui pose des questions, on est musulman, puisque pour moi ils ont la même voix. Je te demande, Inch'Allah ta'ala, de relire la question, car quand tu lisais, j'étais en train de chercher le hadith. Afwan wa tafadhal. Non, ma fille mouchkil, cher. Donc je relis la question, Inch'Allah. Assalamu alaykoum, ya cher, mes frères et sœurs du salon, ouhibboukoum fillah. En sachant que tous les prophètes ont prêché le tawhid et qu'une personne meurt dans ce tawhid et s'est repentie de ses péchés, après cela, sera-t-elle châtiée dans sa tombe et ira-t-elle en enfer malgré cela? Ou goûtera-t-elle les délices du paradis et ce dès son arrivée dans sa tombe? Tfadal, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ce qu'on doit savoir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il n'y a pas une personne qui ne fasse pas, quoi? Qui ne fasse pas les péchés et les grands péchés. Sauf bien sûr les messagers qui ne font que les petits péchés. Donc le messager d'Allah a dit, Kullu bani Adam khatta wa khairul khata'in tuwabun. Il a dit, tous les fils de Adam sont pécheurs. Et les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui reviennent vers Allah Azzawajal. Premièrement. Deuxièmement, sachez que quand on fait un péché, il y a plusieurs façons d'annuler ce péché. Non. Il y a par exemple les doigts de demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le repentir. Il y a le remords et ensuite le repentir. Il y a aussi, par exemple, quoi? Il y a le malheur. Il y a les malheurs. Quand on a des malheurs, on a des problèmes, tout ça. Comme c'est dans le hadith, il a dit même l'épine qui te rentre dans l'orteil, elle annule de toi des péchés, subhanallah l'azim. Laissez les maladies. Laissez les doigts des gens qui nous font. Il y a des gens qui nous font des doigts. Laissez les doigts des croyants. Des croyants. Laissez quoi? Laissez les intercessions qui existeront le jour de la résurrection qu'on vient de voir. Laissez la grande intercession d'Allah Azzawajal. Laissez quoi? Laissez la grande miséricorde d'Allah Azzawajal. Il se peut que tu viennes avec tous les péchés et qu'il te pardonne, à condition que ça soit pas le grand shirk. À condition que ça soit pas le grand shirk. Car dans le petit shirk, il y a une différence. Dans le petit shirk, il y a une différence. Une divergence entre les savants. Mais le grand shirk, si quelqu'un le fait, celui-là, Allah Ta'ala ne lui pardonne pas. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quoi? Ce n'est pas de voir est-ce que seulement on a fait des péchés, mais de voir est-ce qu'on s'est rattrapé? Naam. Est-ce qu'on a eu des remords? Est-ce qu'on a regretté? Est-ce qu'on s'est levé la nuit pour prier? Prier. Est-ce qu'on a jeûné? Est-ce qu'on a donné de l'aumône fi sabilillah pour demander à Allah Ta'ala de nous pardonner? Et laisser les malheurs qui arrivent et les soucis et les chagrins, tout cela annule bi'idhnillah azza wa jal les péchés. C'est pour ça que personne ne peut dire, yani répondre comme ça, yani à la question, yani comme ça, yani très clairement. Est-ce qu'il sera châtié en enfer, dans la tombe, ou est-ce qu'il ne sera pas châtié? Déjà, le fait ici qu'il voit les anges arriver, il va savoir où est sa place. S'il voit des anges, mashallah, habillés en blanc avec une bonne odeur, etc., déjà, il sait que ça va très bien se passer dans la tombe. Quoique, lorsqu'on va le mettre dans la tombe, il va oublier. Non. Et déjà, s'il voit ici les anges qui vont venir en noir avec une très mauvaise odeur, avec un linceul de l'enfer, déjà, il a compris qu'Allah Azzawajal nous préserve et raffermisse nos cœurs dans son obéissance. Fadlan, Inch'Allah, le prochain. Donc, chère la sœur Ibrahim, elle est revenue. Inch'Allah, donc je vais relire sa question. À moins que c'est bon, c'est la question avec le fait de se dire salafi à cher. Est-ce que je vous relis la question, Inch'Allah, ou vous vous rappelez? Est-ce que je vous la relis ou c'est. Non, alhamdoulilah, tfadal, cher. Moi, je voulais dire où est Ibrahim pour lui poser une question, pour que je comprenne d'abord ce qu'elle veut dire, ensuite je réponde. Ibrahim, est-ce que tu veux dire si une personne qui est salafia peut-elle rester salafia en voyant la télévision, en lisant des choses futiles et en faisant des grands péchés comme ça? Est-ce que c'est ça la question? J'attends ta réponse, Inch'Allah. Naam. En fait, toutes ces choses-là, bi'idhni Azza wa Jal, ne font pas sortir la personne de sa salafia, mais elles vont faire d'elle une salafia faible. Des salafis, des salafiettes, c'est des niveaux. Il y a qui sont masha'Allah, il y a qui sont faibles. Mais ils se réunissent tous en quoi? En ce que ils comprennent le Coran et la Sunna d'après Salaf, radiallahu ta'ala anhum, et non pas d'après Mu'tazila ou l'Al-Khawarij ou l'Al-Ash'ira ou l'Al-Karamiya, mais d'après Salaf radiallahu ta'ala anhum. C'est pour ça que il est possible que quelqu'un soit salafi et qu'il fasse une grande faute. Et pourquoi ça lui arriverait pas alors que c'est arrivé aux compagnons? Il y a des compagnons radiallahu ta'ala anhum et des compagnonnes radiallahu ta'ala anhunna qui ont fait la zina. Mais, comme c'est connu dans Ma'iz et Ghamidiyya, mais qu'a fait Ghamidiyya quand elle a fait la zina? Et qu'a fait Maïs, ils sont allés au messager d'Allah lui demander de les purifier. C'est montrer yani, à quel point ils ont regretté, à quel point ils ont eu des remords, à quel point ils sont revenus vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faire des péchés ou même des grands, non, tant que ce ne sont pas des bid'a, ce sont seulement des péchés qui ont rapport avec les shahawat, non, et non pas les shubuhat, ils ne sortent pas de la salafiyya bi'idhni Allah azzawajal. Quant à regarder la télévision, ça ne fait pas sortir de la salafiyya aussi. Si on regarde la télévision, on regarde la chose qui n'est pas haram. Si je regarde un documentaire sur les singes, ce n'est pas haram. Si je vois sur les requins, ce n'est pas haram. Si je vois des savants, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ce n'est pas haram. Mais si je vois maintenant des films obscènes, etc., j'ai fait quoi? J'ai fait un grand péché et je suis toujours salafi. Mais j'ai fait un grand péché, mais je suis vraiment faible. Je suis vraiment faible dans ma salafiyya. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Allah yjazik. تفضل بخوشة. C'est au tour de Oumi. Donc j'ai la question en PV. Salam alaikum. Voici ma question, Inch'Allah. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu 315 messagers et 124 000 prophètes. Mais il me semble que la semaine dernière, vous avez dit que seul Allah connaît le nombre de ses envoyés. Pourriez-vous m'expliquer, Inch'Allah, et m'indiquer, bi'idhnillah, un dalil à donner à mes sœurs fillah. Allah yjazikum bikul le khair. تفضل شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، il y a un hadith qui est authentifié par Cheikh Al-Albani. Mais ce hadith, je ne l'ai pas là devant moi. Je ne l'ai pas là devant moi. Mais ceux qui ont assisté avec moi à la Aqidah, ça fait une année ou deux ou un peu plus, savent que j'ai cité plusieurs fois ce hadith avec son numéro. Avec son numéro. Nam, ce hadith, pour ceux qui ont le Maktabat al-Albani, c'est un petit logiciel qui s'appelle les livres de Cheikh al-Albani. Celui-là, tout le monde, celui qui connaît l'arabe, devait avoir ce logiciel avec lui. N'importe quel hadith authentifié par Cheikh al-Albani, ou bien même yani, s'il l'a rendu faible, il te le dit. Donc, j'ai dit que ce hadith est authentique, où le messager d'Allah a dit 124 000 nabis ou 313 rasoul. Et dans une autre version, 315. 315 rasoul. Mais si vous voulez que pendant que je suis en train de parler avec vous, nan, je vais lancer sa recherche bi'idhnillahi azzawajal. Lahda, lahda. Taïb, on passe à autre chose le temps que je cherche le hadith, inshallah. Tfadlal. Donc là, je vais lire la question, Inch'Allah, de Yawm al-Qiyamah. Alors la question, Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakullah ya Sheikh, Amin. Je voudrais savoir si Allah descend de son trône, car c'est ce que vous avez dit mercredi. Est-ce que cela veut dire qu'il est monté sur son trône? Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il est assis sur son trône? Que veut dire il est au-dessus du trône? Barakallahu fik ya Sheikh. Tfadal ya Sheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatou. Donnez-moi juste le temps de. Donnez-moi, inch'Allah ta'ala, le temps d'inscrire le hadith des 124 000 nabis pour que je cherche son numéro la prochaine fois, car il est impossible que je réponde et en même temps que je cherche quoi? Les choses. Yani, je suis perturbé. Non, tu peux pas en même temps chercher et écouter. Allez, une seconde pour que j'écrive, inch'Allah. Je vais noter. J'ai un cahier ici. Spécial où je note. La prochaine fois, inchallah, je vous dirai où se trouve le hadith. 124 000. Donc le prochain cours de Aqida. Non, prochain cours de Aqida, inchallah, je vous donnerai le hadith où il est dit 124 nabil, nabi et 313 rasoul ou bien 315. Maintenant, il y a la question de. Elle disait, oui, mes chers, de quoi parlez-vous quand vous avez dit que seul Allah connaît le nombre? Naam, seul Allah connaît le nombre, ça veut dire aussi, seul le messager d'Allah connaît son nombre. Naam, ce sont des choses que pas nous on peut connaître. Seul Allah Ta'ala connaît. Et s'il veut, il les transmet au messager d'Allah, sinon il ne les transmet pas. Comme il lui a transmis ici qu'ils sont 124 000 et 313, ou le 315. Voilà ce que je voulais dire par seul Allah qu'on est. Seul Allah, ça veut dire son prophète. C'est-à-dire, ça ne vient pas par raisonnement, mais ça vient par les textes. Les textes, c'est-à-dire le Coran ou bien la Sunna. Tayyib. Quand on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du trône, ça ne veut pas dire que Allah ta'ala, par exemple, est en train de toucher au trône. Naam, là, ils amènent le mot. C'est comme je dis moi, par exemple, le plafond est au-dessus de ma tête. Est-ce que ça veut dire que le plafond touche ma tête? Non, il est au-dessus de ma tête. Mais il se peut qu'il y ait entre moi et le plafond 5 mètres, 10 mètres. C'est comme je dis, le ciel est au-dessus de moi. Non. Regardez combien il y a de kilomètres entre moi et le ciel. La même chose, quand on dit Allah Ta'ala est au-dessus du trône, ça ne veut pas dire, comme croient certains, que donc si on va lui enlever le trône, Allah Ta'ala va tomber. Ma'azallah, astaghfirullah. Mais ça veut dire que Allah Ta'ala est au-dessus de l'univers. Non, il n'y a rien au-dessus de lui. Car la chose la plus élevée, c'est le trône. Et au-dessus du trône, il y a l'établissement d'Allah Azzawajal, il s'est établi. Naam, il s'est établi et il descend chaque nuit. Naam. Quand il reste le dernier quart au premier ciel, yani de cette dunya, bi-idhnillah Azzawajal. Voilà le sens de être au-dessus du trône. Et non pas, ça veut dire assis sur lui, ou là, ça veut dire toucher le trône, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a ni endroit, ni forme, naam. Sauf hein, les choses dans lesquelles il s'est décrit, et lui, il ne ressemble à rien, et rien ne lui ressemble. Toi, dans le prochain. Donc là, on passe à Abu Abdullah Mohamed. Donc la question, Salamu alaykoum, Cher. Est-ce que les gens qui abandonnent la salat vont-ils bénéficier de l'intercession du messager? Sinon, alors qu'en est-il de leur shahada? Est-elle annulée par l'abandon de la salat? Hayakumullah. Tfadal, Cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est sûr que dans cette question, il y a une grande divergence. Et cette divergence se base sur le fait de dire, est-ce que celui qui ne fait pas la salat en la reconnaissant est un kafir ou bien un croyant? Si on prend de l'avis qui dit, il est toujours croyant. Et c'est l'avis des quatre grands rites. Malikite, Shafi'ite, d'abord Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Les quatre grands imams ont dit que celui qui ne fait pas la salat, mais qui croit en elle, la reconnaît, il n'est pas kafir. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Albani, la rahmo. Si on prend cet avis, ça veut dire que celui qui sera en enfer sortira. Et Cheikh Al-Albani, s'est basé justement sur le hadith qu'on a vu tout à l'heure, où le messager d'Allah a dit, ils n'ont fait aucun bien. Ils n'ont jamais fait de bien. Cheikh Al-Albani a dit, s'ils avaient fait la salat, subhanallah, comment qu'il aurait dit alors qu'ils n'ont fait aucun bien? Car les autres disent, il n'a fait aucun bien après la salat. C'est-à-dire, il a fait la salat, mais il n'a fait aucun bien. Cheikh Al-Albani a dit, subhanallah, comment quelqu'un qui fait la salat, on dit de lui qu'il n'a fait aucun bien. Il a dit, ça marche pas en arabe. Al-Muhim, donc, c'est d'après la divergence, est-ce que celui qui ne fait pas la salat, il est kafir ou pas? Et l'autre avis qu'il est kafir, c'est l'avis de qui? C'est l'avis de la plupart des savants de l'Arabie Saoudite. Naam, si ce n'est pas tous. Et il y a un avis qui est au milieu, c'est l'avis de Ibn Taymiyyah rahmatullah. Il a dit que si jamais, naam, on le prend et on lui dit, si tu ne vas pas faire la salat, on va te couper ta tête. Et il dit, ça ne fait rien. Coupez-moi ma tête, je ne fais pas la prière. Il a dit, celui-là, il ne faut pas avoir de doute que c'est un kafir. Car sinon, comment va-t-il accepter de mourir? Alors, tout le monde, il n'y a personne qui aime mourir. Subhanallah, tout le monde aimerait vivre des milliers d'années. Comment se fait-il que celui-là accepte qu'il meure? Si ce n'est que il a vraiment une aqida dans le cœur, que la salat n'existe pas. Non. Et c'est l'avis du milieu, Allah ta'ala alam. Il y a un autre avis de certains savants, je vous le cite aussi, il est très important. Ils disent que celui qui a fait la salat et qui la délaisse, ensuite il a fait et il la délaisse, il fait 3 mois, il la délaisse, et comme ça, ils ont dit celui-là n'est pas kafir. Mais le kafir, c'est celui qui meurt sans jamais, jamais, jamais avoir fait 2 prosternations pour Allah Azzawajal. Et c'est un avis aussi qui est fort, bi'idhnillah subhanahu wa Azzawajal. Naam. Surtout, il aide les femmes qui ont des maris qui ne font pas la salat. Il y a des femmes, même des sœurs, qui ont des maris qui ne font pas la salat. Bien sûr, elle a le droit de demander la séparation de lui. Mais on voit, est-ce que c'est quelqu'un qui ne l'a jamais fait ou là qui l'a fait et qui s'arrête, qui l'a fait et qui s'arrête? Si c'est le genre qui l'a fait et qui s'arrête, pourquoi on ne va pas l'aider? On va lui faire des doigts, on va lui faire des nasiha, on va lui faire venir des gens lui parler. C'est mieux que de se séparer de lui carrément. Wallahu ta'ala alam. Tu le suivant. Donc c'est la question de At-Tawhid. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous protège. Amin. La vocation faite après les ablutions qui permet d'entrer par les 8 portes du paradis a-t-elle des conditions? Car il est possible qu'on la fasse, et pourtant sans prier beaucoup, ni jeûner souvent, et nombreux sont ceux qui font cette doa. Qu'est-ce qui va nous distinguer, Barakallahu fikoum, ainsi qu'à tous ceux qui font des efforts pour que l'on profite de votre science. Tfadal Cheikh. Wafik Baraka. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatouh. En fait, attester que il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée et de messager qu'on doit suivre, yani, qui mérite d'être adoré que Allah, et de messager qu'on doit suivre que le messager d'Allah, c'est-à-dire c'est lui le dernier, ce n'est pas une phrase qui se dit comme ça. C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui non seulement ne connaissent pas l'essence ou bien le sens de ces 2 phrases, mais mieux ou la pire, il y a des gens qui connaissent et qui font le contraire de ce qui doit yani, résulter de lorsqu'on dit ces 2 phrases. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un dit Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammadun Abdu wa Rasulu, ça veut dire qu'il a reconnu que khlas, il n'adore qu'Allah. Donc c'est quoi? Donc il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de voyante. Il n'y a plus de sorcière. Il n'y a plus de sihr. Il n'y a plus d'aller demander mon avenir. Il n'y a plus d'aller tourner devant une tombe. Vous voyez? Ensuite, attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le messager. C'est attester que quoi? Que je ne suis aucune personne à part le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Si 2 personnes ou les 2 avis yani diffèrent, les divergent, je dis à l'un, d'où tiens-tu cela? Et à l'autre, d'où tiens-tu cela? S'il me dit j'ai un hadith authentique et voilà son sens, classe. Je dis c'est le messager d'Allah alayhi wa sallam, que je dois suivre. Donc beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le sens de la ilaha illallah et c'est quoi de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que c'est très dommage, par exemple, chez les Ash'arites, et c'est aussi chez les Habash, parce qu'ils sont aussi Ash'arites, ils disent que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a de divinité que Allah. Ça veut dire qu'il y a un seul. C'est ça Allah Ta'ala. C'est ça la shahada. Si tu dis qu'il y a un seul Allah, akhlas. Alors que ça, c'est faux. Il faut dire qu'il y a un seul Allah qui mérite d'être adoré. Sinon, il y a beaucoup de dieux. Il y a le dieu de l'argent, le dieu du qadifa, le dieu des shahawat, le dieu des statues, le dieu. Certains prennent le soleil comme dieu, l'autre le vent, l'autre la pluie. Mais faux. Invalide. Mais notre dieu, c'est Allah Azzawajal, hein, qui est unique en quoi? En ses descriptions, en ses noms, naam, en son essence, fidélité. Voilà ce que ne disent pas les autres factions avec lesquelles on ne se rencontre pas. Naam. Enfin, pour terminer, je voudrais dire que, donc, quand quelqu'un fait des ablutions et il dit Shadun Layla, Shadun Muhammad al-Abdu Rasulou, ça dépend de quoi? Premièrement, de sa compréhension à ces deux phrases. Et deuxièmement, est-ce qu'il applique ou pas? Car il est possible qu'il dise. Il fait le wudu, il dit Shadun la ilaha illallah, Shadun Muhammad al-Abdu Rasulou. Ensuite, il termine pas sa phrase, il dit hey, toi, Om Abdillah, attends-moi, on va voir la voyante. Attends-moi, on va voir la voyante ce soir, j'ai des problèmes. Est-ce que les 8 portes de du paradis vont s'ouvrir ou bien les sept portes de l'enfer qui vont s'ouvrir ici? Sûrement les 7 portes de l'enfer, sauf si la personne fait tawbah. Et pour terminer dans ce point, je voudrais vous attirer votre attention sur quelque chose de très important. Quand vous faites la da'wah et que quelqu'un voudrait rentrer en islam, ça ne suffit pas que vous lui disiez, viens dire comme ça en arabe, Shadun la ilaha illallah, Shadun Muhammad al-Abdu wa Rasulou, comme un perroquet. Alors qu'il ne sait pas ce que ça veut dire. Il faut d'abord lui expliquer. Regarde, tu vas dire deux phrases essentielles. Si tu comprends le sens de ces deux phrases et tu les attestes, tu es un croyant, sinon tu restes toujours kafir. Il faut comprendre. Ça veut dire, j'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Muhammad c'est le messager d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il ne comprend pas, ça veut dire qu'on n'a rien fait. C'est un perroquet qui a dit deux phrases comme ça et il est parti. Tafadhal inchallah le suivant. Donc on lit la question de Firouz Dirimi et on attend la question de Shems. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah vous guérisse. Amin. J'ai entendu un hadith qui précise qu'un musulman qui va au paradis pourra faire sortir des personnes de sa famille de l'enfer. Si ce hadith est vrai, est-ce que ce musulman qui pourra intercéder auprès de sa famille pourra le faire sur une personne de sa famille, toujours qui se dit musulman, mais qui n'est pas pratiquante? Exemple, une. La réponse est très claire et inchallah circoncise. Naam, Cheikh Ibn Uthaymeen a cité de ce que j'ai lu tout à l'heure qu'il y avait des textes qui montraient que chaque personne, chaque croyant aurait inchallah une intercession dans sa famille et peut-être aussi dans son voisinage. Mais on revient toujours à la base, c'est quoi? Est-ce que celui qui ne fait pas la salat, est-ce qu'il est kafir ou pas? S'il est kafir, et demain on va le savoir devant Allah Ta'ala, il ne va pas quoi? Il ne va pas lui faire l'intercession. S'il est croyant, il va lui faire l'intercession. Bi'idnillahi Ta'ala. Tfaddal le suivant. Donc la question de Ouma Ousmane. Salamu alaykoum. Allah yashafikoum yashir. Pouvez-vous nous éclairer sur le fait que la femme qui ne met pas le hijab ne sentira pas l'odeur du paradis? Alors qu'Allah Azza wa Jal a dit que toute personne qui meurt croyante entrera au paradis. Sachant qu'Allah Azza wa Jal pardonne tout sauf le shirk, et aussi comme vous avez dit dans le cours que quiconque fait bien les ablutions et la shahada, à la fin, les 8 portes du paradis lui seront ouvertes. Car je connais une personne qui ne le porte pas encore, entre parenthèses, elle sait qu'elle doit le mettre, mais je ne sais pas comment lui faire nasiha, et j'ai peur de devoir rendre compte au jour de la résurrection. Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Pour que la personne n'aille pas comme ça chagrinée, hein, pour le hadith qu'elle a demandé, Cheikh Al-Albani a dit qu'il était authentique. Il était authentique. Reste à savoir, est-ce qu'il est revenu sur ce hadith ou pas? Est-ce qu'il est revenu sur ce hadith ou pas? Mais il y a dans l'un de ses livres où il dit que ce hadith est authentique. Quant au sens de la femme qui ne porte pas le hijab, qui n'est pas voilée, qu'elle n'entrerait pas au paradis et ne sentirait pas, quoi, ne sentirait pas son odeur. Naam, les savants ont dit, cela veut dire un des deux sens. Ou bien, ce hadith s'applique pour celle qui ne croit pas au voile. On lui parle du voile, elle dit non, je n'y crois pas. Non, ce n'est pas Allah Ta'ala qui l'a dit, même s'il l'a dit, moi je n'y crois pas. Je m'en fous de ce voile, moi j'aime vivre ma vie. C'est-à-dire, elle croit, tunker, elle refuse, elle dit non, je ne reconnais pas le voile. Vous savez que quiconque nie une petite chose de l'islam, il est kafir. Si je te dis le messager d'Allah, dans sa sunna, par exemple que il mettait le siwak dans sa bouche. Tu me dis, je ne reconnais pas le siwak. Non, je nie le siwak. Tu es devenu kafir. C'est pas obligé de nier la salat et la zakat. Seule une chose de l'islam, tu es devenu kafir. Bien sûr, si toutes les conditions sont remplies. Il y a certaines conditions qu'il faudrait que ça remplisse pour dire d'une personne qu'elle est devenue kafir. C'est pas comme les tekfiriyon direct, yani il est devenu kafir. Le deuxième sens du hadith, c'est que lorsque le messager d'Allah a dit qu'elle n'entrera pas au paradis, c'est-à-dire qu'elle n'entrera pas parmi les premières qui vont rentrer comme ça, masha'Allah, sans être jugée, sans être châtiée. Mais elle restera d'abord combien de temps? Je ne sais pas où, peut-être en enfer, peut-être quelque part, na'am, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne pour qu'elle puisse entrer. Na'am, elle n'entrera pas parmi les premiers et les premières qui iront au paradis. Voilà le deuxième sens du hadith chez la plupart des savants. Non. Attends, inchallah, le suivant. Donc on passe à Abu Qais. Donc j'ai la question en PV. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Qu'Allah azawajal vous guérisse. Amin. On m'a dit que dans la tombe, nous entendrons les supplices du voisin qui est enterré. Entre parenthèses, si celui-ci est châtié. Si cela est vrai, est-ce que nous l'entendrions même si nous-mêmes nous sommes châtiés? Même si nous ne sommes pas châtiés. Afwan. Cher qu'Allah Azawajal vous guérisse, vous préserve, vous donne une longue vie dans son obéissance, préserve et protège votre famille, et qui préserve et protège les admins ainsi que leur famille. Amin. Amin. Barakallahu fik, Abu Qais. Tfadal, cher. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakallahu fikoum pour toutes ces doigts. Le hadith qui vient de citer que quand on est dans la tombe, naam, on entend les autres qui sont châtiés, n'est pas vrai. Allah Ta'ala dit dans le Coran, la taziru waziratun wizra ukhra. Il a dit aucune personne ne prendra, yani, disons, des comptes d'une autre personne. Naam. Sinon, écoutez bien, déjà par raisonnement, si je suis dans ma tombe, en train de voir, mashallah, mon paradis, qu'est-ce qu'il y a là-bas, et les jardins, et les ruisseaux, etc. Ensuite, j'entends celui qui est à ma droite et à ma gauche en train de quoi? En train d'être châtié. Est-ce que je peux sentir les délices de la tombe? C'est impossible. Non, tout devient quoi? Tout devient, yani, des soucis, et des chagrins, et des pleurs, etc. Non. Donc, chacun dans sa tombe ne voit et n'entend que ce qui se passe à lui personnellement, pas d'autres personnes, pas d'autres personnes. De là, je profite pour vous dire que les personnes qui ont fait marcher et circuler un certain temps une cassette, comme quoi on entendait les gens, hein, en train de châtier dans leur tombe, des enfants en train de pleurer et des femmes en train d'hurler, tout cela, inshallah ta'ala, n'est pas vrai. Et le messager d'Allah a dit, Naam, si je n'avais pas peur, yani, que vous n'enterriez pas vos morts, j'aurais demandé à Allah de vous faire entendre, yani, ce qui se passe dans la tombe. Donc personne ne peut entendre ce qui se passe dans la tombe. Tfadlan. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Cheikh. J'ai une question en fait. Est-ce qu'au paradis, on aura des obligations comme dans ce bas monde, par exemple, pour faire la prière, zakat et tout ça? Et j'aimerais savoir aussi un conseil pour un livre sur la Aqida pour quelqu'un qui est amateur. Barakallahu fik. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour le livre, je conseille par exemple les trois fondements. Usul salata, ensuite usul arba'a, et comme ça. Non, je conseille par exemple ce livre qui est simple pour apprendre déjà le début du din. Usul salata, inshallah ta'ala. En ce qui concerne dans le paradis, non. Ils vont te l'écrire, Inch'Allah ta'ala, ils vont te l'écrire. En ce qui concerne dans le paradis, est-ce qu'il y aura des choses obligatoires à faire? Il y aura une chose obligatoire à faire. C'est laquelle? C'est quand Allah subhanahu wa ta'ala va venir, on sera tous obligés de lui faire une prosternation. Tout le monde sera obligé de faire cette prosternation. Et pas tout le monde réussira. Non. Ceux qui ne faisaient pas, par exemple, ici la prière et les mécréants, etc., ne réussiront pas. Et Allah Ta'ala leur mettra leur colonne vertébrale comme une barre de fer. Et ils tomberont comme ça sur leur dos ou bien sur leur face. Mais, ça c'est dans les cours de la résurrection. Passer au paradis, rentrer au paradis, la personne est libre. Si elle veut faire la salat, si elle veut faire l'aumône, si elle veut dire subhanallah, alhamdoulilah, elle est libre. À elle, ça revient cette décision. Car là-bas, dans le paradis, il n'y a aucune obligation. Il n'y a aucune obligation. C'est là-bas que y en est le moment de d'être récompensé et non pas d'être quoi? Et non pas d'être obligé à faire des choses. Quelle est la preuve? Quelle est la preuve que si une personne veut faire, par exemple, la prière, elle peut la faire? Le hadith se trouve dans le Bukhari. Hein? Que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait l'ascension, il a vu un palais. Et devant ce palais, il a vu quoi? Il a vu une, disons, une servante du palais en train de faire les wudu, en train de faire les ablutions. Le messager d'Allah a dit, c'est pour qui ce palais? Ensuite, on lui a appris que ce palais, c'était pour Omar ibn Khattab. Et quand il est descendu, il a dit à Omar, radiallahu ta'ala anhu, si tu savais ce que Allah ta'ala t'a préparé, ce que j'ai vu quand j'ai fait l'ascension, et j'ai vu un palais, devant le palais, une femme en train de faire des ablutions, il a dit, et j'ai même pensé à rentrer visiter ce palais. Ensuite, je me suis souvenu, ta jalousie, je n'ai pas voulu y entrer. Et Omar ibn Khattab, quand il a entendu cette phrase, il a pleuré. Il a dit, Ya Rasulallah, Amin ka Arar, Ya Rasulallah, est-ce de toi je vais être jaloux? Est-ce de toi je vais être jaloux? El-Muhim, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une femme, un serviteur, là, comment on appelle ça, serviteuse, ou là, en train de faire quoi? Les ablutions. Les savants ont dit, cette femme qui faisait les ablutions, c'est par volonté personnelle. Si tu veux, toi, dans le paradis, faire les ablutions, fais. Si tu veux prier, prie. Mais rien ne t'oblige à faire ces choses-là. Ces choses-là, il fallait les faire ici. Il fallait les faire ici. Là-bas, c'est quoi? C'est les récompenses. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Et excusez-moi si je dois m'arrêter. Hein. Je sens que la chose grandit chez moi. Naam, je dois m'arrêter, inshallah, pour vous donner. Rendez-vous mercredi, inshallah ta'ala. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour votre présence.